Je passe avant le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant le véhicule bleu. Oui, réponse C. Non, réponse D.